Super Fail, Guillaume Erner. Parce qu'il n'y a pas que la réussite dans la vie, Super Fail ne s'intéresse qu'à l'erreur, l'échec, la catastrophe. Super Fail, parce que ça n'est pas si facile de réussir à échouer. Super Fail. Qu'est-ce qui est long et dur et qui débute généralement le 1er janvier lors des résolutions pour s'achever bien vite? C'est évidemment un régime. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, le nombre de gens qui vivent maintenant, surtout avec les femmes, sur le amaigrissement général ou localisé, la nouvelle méthode du docteur Intel et tout ceci et tout cela. Mais c'est un coup terrible pour la cuisine française, une chose comme ça. Oui. N'oubliez pas que la cuisine française est un des éléments essentiels de la prospérité de la France, non seulement pour notre civilisation, qui est une civilisation de la cuisine, mais pour le tourisme. Je ne crois pas que la bonne cuisine française puisse causer l'obésité. Ce qui cause l'obésité, ce sont les aliments de mauvaise qualité. Mais pas du tout. Et en particulier, Anne-Marie, le pain. Vous savez que le pain en France, depuis quelque temps, est de très très mauvaise qualité. Pas la raison. Là, mais non, il y a aussi le nombre de calories, vous savez. Vous ne connaissez pas la fameuse méthode des calories? Quand on mange, par exemple, un beefsteak, il y a un certain nombre de calories. La sauce du beefsteak a deux fois plus de calories que le beefsteak. Ce qui fait qu'un homme normal qui ne fait pas un travail physique ne doit pas, en principe, consommer plus de 2000 ou 2500 calories par jour. Oui. Eh bien, si nous mangeons à la française, les sardines qui baignent dans l'huile, le pain, le beurre, la viande dans la sauce, les pommes de terre, le fromage, les fruits, l'entremets, mais l'alcool, le pousse-café, c'est effrayant le nombre de calories que l'on prend en un seul repas. Et comme on recommence le soir, bien tous les jours, il y a un excédent de calories. Et à la longue, cet excédent de calories qui n'est pas brûlé donne la graisse. Cet excédent de calories, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux le brûler en faisant de l'exercice physique si. et en menant une vie plus saine? Rien ne vous empêche de faire 6 fois le tour du bois de Boulogne tous les matins. Ah oui, Anne-Marie, on ne peut pas faire les deux choses. On ne peut pas à la fois faire un régime amaigrissant et faire de la culture physique. Ah non. Vous en crèveriez. Ah ça, naturellement. Ce que vous venez d'entendre n'est pas un sketch, c'est une émission, propos dans l'air du 6 novembre 1957, et vous avez peut-être reconnu les voix d'Anne-Marie Carrière, Max-Paul Fouchet et Paul Gut. Voici la voix de Laurent Chevalier. Bonjour Laurent Chevalier. Bonjour. Vous êtes médecin nutritionniste, vous avez notamment publié « Maigrir sans lutter ». Alors moi j'aimerais qu'on parle de lutter sans maigrir, parce que c'est souvent ce que font quand même nos contemporains. Je me souviens d'une époque où chaque personne rencontrée portait une petite poche avec dedans des tranches de dinde. C'était l'époque de la mode du régime Doucan, et je me disais à l'époque que si on obligeait les gens à ne manger que de la dinde, ils porteraient plainte devant la Cour de justice européenne. Mais là, c'était un propre choix. Alors apparemment, ce régime, comme les autres d'ailleurs, il a fait long feu, je me trompe, Laurent Chevalier? Alors il a fait long feu, puisque, si vous voulez, c'est un régime qui est particulièrement déséquilibré. En fait, il y a eu énormément de régimes comme ça, qui ne correspondaient pas aux besoins physiologiques. Là, en l'occurrence, vous prenez que des protéines. Mmh. Finalement, au niveau de la flore digestive, c'est-à-dire de l'équilibre, à la fois immunitaire et biologique. Je vois de quoi vous voulez parler. De toutes les bactéries qu'on a au niveau du côlon, de ce qu'on appelle le microbiote, et on sait que l'équilibre de ce microbiote est tout à fait essentiel pour assurer à la fois une bonne santé, un bon poids, une bonne immunité. Et à partir du moment où vous déséquilibrez ce microbiote, donc toutes ces bonnes bactéries que l'on a au niveau du côlon, eh bien forcément on va vers des échecs. Et ce qui se passait beaucoup, c'est que les gens perdaient initialement du poids, mais ensuite ne pouvaient pas faire autrement qu'en reprendre, et des fois plus que ce qu'ils avaient perdu. Mais là, il y avait une astuce de communication qui disait que finalement, c'était de leur faute puisqu'ils n'étaient pas capables de maintenir ce régime, qui était immaintenable physiologiquement. Donc on culpabilisait les gens, et les gens, curieusement, disaient « le régime marche, mais c'est de ma faute puisque j'ai pas su le suivre ». En fait, ce régime ne marche pas, bien entendu. En plus, ça crée ce qu'on appelle une cétose, c'est-à-dire une acidification du corps, et vous aviez une très mauvaise haleine, et finalement, au bout d'un certain temps... Ce qui nuisait à vos contacts sociaux, et puis bon, l'isolement entraîne une surconsommation de sucre, hein, donc... ça ne favorisait pas l'ensemble. Il y a de nouvelles modes en matière de régime idiot, Laurent Chevalier? Alors aujourd'hui, la nouvelle mode en termes de régime idiot, c'est justement l'histoire du sucré. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on prenait que des protéines. Maintenant, on fait du sucre bashing. Alors, le sucre, ça fait longtemps qu'on le dénonce, nous, nutritionnistes, le sucre ajouté aux aliments, et notamment les sucres des produits industriels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec cette mode du sans sucre, eh bien, on voit des gens qui commencent par arrêter quoi? Les fruits. Donc, or, ces fruits, vous avez absolument besoin, puisque vous avez besoin des vitamines, des éléments minéraux et des fibres. Rappelez-vous que la vitamine C ne peut être apportée que par l'alimentation, puisqu'on n'est pas capable de la synthétiser. Il faut à peu près 110 mg de vitamine C par jour. ce qui correspond grosso modo à 3 fruits. Et donc, si vous n'avez pas ces fruits, bien vous n'avez pas cette vitamine C, et du coup, vous vous retrouvez bien entendu affaibli, plus d'autres vitamines, manque d'éléments minéraux et manque de fibres, ces fameuses fibres dont on vient de parler, et qui assurent un bon équilibre au niveau des bactéries du côlon, qui assurent encore une fois cette immunité et la bonne santé. Donc, cette folie par rapport au sucre doit être combattue, puisque ce n'est uniquement la problématique des sucres ajoutés, que nous dénonçons en plus depuis longtemps, qui sont aussi les sucres qu'on a dans toutes les boissons, tous les sodas, les jus de fruits industriels, etc. Et on sait, par contre, que l'excès de sucre qui est apporté par cette alimentation industrielle va favoriser ce qu'on appelle le NASH syndrome, c'est-à-dire l'accumulation de sucre qui va se transformer en graisse, qui va aller au niveau du foie. Et au niveau du foie, eh bien, ça peut dégénérer en ce qu'on appelle une cirrhose d'un alcoolique et parfois en cancer du foie. Très alléchant ce que vous êtes en train d'évoquer, Laurent Chevalier. Mais au-delà de ça, s'il y a une succession de régimes qui sont à chaque fois un peu plus farfelus les uns que les autres, c'est qu'il y a une vraie difficulté de maigrir. Ça veut dire que les régimes traditionnels échouent. Pourquoi, Laurent Chevalier ? Alors, je crois que c'est une seule ou c'est la seule pathologie ou trouble pour lequel il n'y ait pas une prise en charge consensuelle. C'est-à-dire qu'on n'a pas compris encore tous les mécanismes intimes de ce problème de surpoids et d'obésité. D'ailleurs, il faut bien faire la distinction entre le surpoids, qui va être un surpoids modéré, et qu'on arrive à maîtriser en limitant un petit peu certains apports caloriques, en ayant une activité physique régulière, et un grand nombre de personnes arrivent tout à fait à juguler leur surpoids. En revanche, en ce qui concerne l'obésité, on a des troubles beaucoup plus importants. Et là, on a énormément d'échecs sur l'obésité. Et ce que nous apportent les neurosciences de façon récente, et ce que j'expliquais dans l'ouvrage, c'est qu'on s'est aperçu d'une chose, c'est que quand vous mangez trop, de façon tout à fait excessive, vous aviez au bout d'un certain temps un inhibiteur des récepteurs à la dopamine. Alors la dopamine, c'est quoi ? C'est un neurotransmetteur que l'on a au niveau cérébral et qui assure une certaine forme de plaisir. Et donc, si vous voulez, à partir du moment où vous avez une inhibition par rapport à cela, on a tendance à manger plus pour essayer d'avoir le même degré de satisfaction. Donc du coup, ce n'est plus du tout un plaisir, c'est un besoin, et on arrive dans ce qu'on appelle les addictions. Mmh. C'est pour ça que les personnes continuent à manger. Donc, l'objectif que l'on a en nutritionniste, c'est d'arriver à déconditionner les gens par rapport à cela, avec les moyens que l'on a, qui sont par exemple de fractionner les prises alimentaires. Donc ça, c'est un des aspects, ce que nous apportent les neurosciences. Et malheureusement, on ne met pas en pratique aujourd'hui, puisqu'on constate une chose absolument hallucinante, c'est qu'on a une démission généralisée du corps médical sur la prise en charge de l'obésité. Et la réponse, c'est quoi ? C'est la chirurgie de l'obésité. Mmh. Une espèce de consensus que je combats par rapport à cela, et notamment, si vous voulez, on a des recommandations qui sont données par la haute autorité de santé qui ne correspondent pas à la réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on opère 45 000 personnes à peu près par an de l'obésité, avec un mauvais suivi en amont et en aval, en sachant qu'en plus, parfois, la prise en charge psychiatrique est très mauvaise. On sait que quand il y a eu des cas d'inceste, par exemple, ça favorise ça favorise l'obésité chez l'enfant. Mais alors, on a des dérèglements par ce biais-là et on prend pas le problème par le bon bout. Aujourd'hui, on veut opérer les adolescents qui sont obèses, mais c'est de la folie pure. Pourquoi Laurent Chevalier, pourquoi être contre cette méthode si celle-ci fonctionne ? Je mets évidemment tous les conditionnels requis. Parce que, si vous voulez, c'est pas une méthode qui fonctionne. Vous créez une maladie. C'est-à-dire que vous allez créer des troubles, vous faites, il y a plusieurs techniques bien entendu, mais en plus c'est des techniques irréversibles et si vous voulez, à terme peuvent être des échecs, puisqu'on voit un certain nombre de gens qui reprennent du poids, un grand nombre, au bout d'un certain temps, pas tout de suite, mais au bout d'un certain temps. Cette technique, je dis pas qu'il faut pas l'utiliser dans certaines circonstances, donc ça devrait être extrêmement limité, ça devrait être réservé par exemple à une obésité morbide extrêmement importante d'une personne qui a 50 ans, qui a du mal à marcher, qui a des problèmes articulaires, des choses comme ça. Il y a quelques indications. Mais aujourd'hui, c'est la solution de facilité et ça arrange tout le monde. C'est-à-dire que les médecins ont du mal à prendre en charge ces personnes qui sont obèses, qui sont vindicatives, qui n'arrivent pas à maigrir, etc. Et ça arrange aussi les autorités puisque finalement, c'est une solution à court terme, etc. La France est le pays au monde où on opère le plus de personnes, ce qui est complètement hallucinant. Alors qu'en fait, il faudrait une prise en charge médicale, adaptée, et puis, cette prise en charge devrait commencer dès la grossesse. On sait aujourd'hui que la période fœtale est une période à haut risque, et les femmes enceintes sont soumises à un certain nombre de molécules dont on a beaucoup parlé ces temps-ci, qui sont des perturbateurs endocriniens, qui vont agir à la période fœtale, avec un temps de latence, ils vont entraîner des troubles par la suite, et il faut faire extrêmement attention à ça, et la prise en charge de ces personnes n'est pas bonne du tout aujourd'hui. La nourriture industrielle, une partie de la nourriture industrielle peut contenir des perturbateurs endocriniens, les cosmétiques peuvent contenir des perturbateurs endocriniens. Pour vous donner un exemple très simple, aujourd'hui, ce qu'on devrait interdire chez la femme enceinte, c'est les crèmes. Les crèmes que l'on va mettre contre les vergetures. Les crèmes de beauté, d'accord. Les crèmes de beauté. Donc, pourquoi ? Parce que quand vous avez une crème, vous avez de l'eau. Si vous avez de l'eau, vous avez un conservateur. Très souvent, ce sont des perturbateurs endocriniens. Et si vous avez de l'eau et du gras, vous rajoutez en plus un émulsifiant. Donc, comment faire pour éviter qu'il y ait un conservateur ? Comme par exemple du triclosan qui est suspecté d'être un perturbateur endocrinien, eh bien, vous prenez tout simplement une huile végétale, pas une huile minérale, mais une huile végétale. Donc, vous avez quand même des recommandations à donner et qui ne sont pas données. D'autre part, est-ce qu'on a besoin de prendre des cosmétiques pendant la période de grossesse? En tout cas, pas tous les jours. On peut utiliser certains produits, même pour les masques. Au niveau du visage, on a certains produits qui sont quand même mieux que d'autres. Et ces recommandations-là ne sont pas données. Or, l'impact est extrêmement fort ensuite, puisque un certain nombre de ces molécules vont aller taper sur le fœtus, vont infecter le fœtus, et la conséquence sera beaucoup plus tardive ensuite. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, la prise en charge doit être en amont, elle doit être médicale, et doit pas être tout à fait à la fin, une espèce de chirurgie qui correspond à des choses hallucinantes. Alors ça, on vous suit effectivement dans cette cause qui serait donc les perturbateurs endocriniens. Pourquoi n'y a-t-il tout simplement pas de médicaments pour maigrir? Alors, il me semble qu'il y en avait un, mais alors qu'il y avait des effets indésirables, je crois, Laurent Chevalier. Alors, il y a une recherche qui est extrêmement forte par rapport à la recherche de mise au point de médicaments, effectivement, pour un peu couper l'appétit. Alors, le seul médicament qui existait, c'était un médicament qui a été commercialisé et qui empêchait l'absorption des graisses. Mais le problème, c'est que, eh bien, parfois, on peut avoir des effets tout à fait désagréables, comme des diarrhées graisseuses, et donc, en plus, c'était pas très efficace. Alors, du coup, il n'existe plus, ce médicament. Le médicament, actuellement, est plus utilisé. Ah oui, donc ça a été un superfel. Ça a été... on les salue, ici. C'était une succession d'échecs. Et aux États-Unis, bien entendu, ils font une recherche extrêmement intensive pour trouver le médicament qui pourrait favoriser la perte de poids. Celui qui trouve ça, bien entendu, gagnera des milliards et des milliards de dollars. Eh oui, on Mais imagine. En fait, on s'est aperçu que tout ce qu'on a pu mettre au point ne marchait pas. Pourquoi ? Vous arrivez, vous avez des neurotransmetteurs, vous avez des récepteurs qui vont d'une part favoriser la prise d'aliments et d'autre part inhiber la prise d'aliments. C'est ce qui se passe par exemple quand vous avez fait un bon repas, vous avez un phénomène dit d'aliesthésie, c'est-à-dire vous avez d'autres molécules qui se mettent en route pour vous faire arrêter de manger. Or, pour manger, on a réussi à bloquer quelques récepteurs sur l'aspect orexigène d'un certain nombre de ces molécules, mais on s'est aperçu, expérimentalement chez l'animal, que finalement l'acte de manger était tellement fondamental que quand vous bloquez les récepteurs, vous avez des circuits de suppléance qui se mettent en place et que vous n'arrivez pas à contrôler. Donc, a priori, on n'arrivera jamais à trouver le médicament qui arrive à bloquer cette envie de manger, puisque l'acte de manger est essentiel à la vie. Donc, il y a peu de pistes aujourd'hui en matière médicamenteuse. Est-ce qu'il y aurait d'autres pistes, par exemple, des pistes en matière donc de neurotransmetteurs, en matière de psychologie cognitive? Où en est-on à ce sujet? Alors, sur l'aspect des récepteurs à la dopamine, il n'est pas exclu que l'on arrive à prendre en charge certaines obésités comme on arrive à prendre en charge certains types de consommation excessive d'alcool. Donc il y a quand même des recherches là-dedans pour réactiver ces récepteurs à la dopamine, qui sont les récepteurs D1 et D2. Donc il n'est pas exclu que l'on arrive par ce biais-là un petit peu. Mais il y a une autre piste aujourd'hui qui est aussi assez intéressante, qui sont les maladies auto-immunes. C'est-à-dire les maladies auto-immunes, vous allez faire des anticorps contre votre propre corps. Donc on le connaît pour certaines affections de la thyroïde, on sait que la sclérose en plaques fonctionne comme ça, puisqu'il y a des anticorps contre les gaines de myéline qui entourent les nerfs au niveau et qui la détruisent. On sait que pour le diabète aussi, on a une destruction par les lymphocytes T du pancréas et qui entraîne le diabète. Et on a quelques modèles expérimentaux là-dessus qui feraient penser que certains anticorps attaqueraient certain nombre de récepteurs. Et du coup, c'est plutôt des immunosuppresseurs qu'il faudrait, c'est-à-dire ce qu'on utilise dans ces maladies auto-immunes pour essayer de calmer ce système immunitaire, ces anticorps qui sont un peu emballés. Je fais d'ailleurs une parenthèse, si vous permettez, par rapport à la psychiatrie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un grand nombre de gens sont traités pour la dépression par des antidépresseurs, alors qu'en fait, là aussi, ce sont des anticorps qui vont agir sur des récepteurs, et ce ne sont pas des antidépresseurs qu'il faudrait donner, mais des immunosuppresseurs ou des immunomodulateurs qui permettraient de faire en sorte qu'on ait une moins grande activité de ce système qui se dérègle au niveau immunitaire. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que ces maladies auto-immunes sont un véritable danger et on a une explosion de ce type de maladie. Si vous permettez, de façon caricaturale, on s'inquiète beaucoup du climat, mais nous, on s'inquiète des hommes. Or là, vous faites des anticorps contre votre propre corps, ce qui est quand même tout à fait problématique, et on a beaucoup d'inquiétudes par rapport à l'avenir sur ce type de pathologie, et beaucoup de maladies inconnues ou dont on ne connaît pas l'origine peuvent avoir une origine par rapport à ces maladies auto-immunes. Merci beaucoup, Laurent Chevalier. Maigrir sans lutter, votre livre pour tous ceux qui veulent rééquilibrer leur alimentation. Superfell a été dévasté par Daphné Abgral, piétiné par Adeline Mello et gâché par Lise Combe à la réalisation. Superfell.